y'a ceux qui sortent et ceux qui rentrent. Les concurrents se sentent carottes. Compteur bloqué à 340, j'entre Belleville et le 140. Hier c'était dur pour mes parents, avec moi le présent n'a rien de marrant. Là je veux charger les gommes, mon pointé à moi les catamarans. Faut me dire non que peut-être, le crâne est sur la pluie-tête. J'connais 4 fois les arrivants, les toilettes sans la cuvette. Les douches remplies de champignons et de